pas voter, je vais pas voter, je donnerai pas ma voix à tous ces petits niclés. Je vais pas voter, je vais pas voter, je donnerai ma voix qu'à une femme sensée. Depuis longtemps, on est dedans, tout le monde nous ment et on est tous contents. L'homme est dément, la femme attend, je vais plus voter pour un homme programmé. Je veux pas voter.